agent britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18. Et de nos jours, enfin, de plus en plus répandu le phénomène de voile. Comment on pourrait appeler ça, un voile décapotable, nous on appelle ça. C'est un voile en fait super léger avec la mèche qui dépasse, la mèche bien brushing. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, nous voici donc ce matin au cœur des deuxièmes rendez-vous de l'histoire du monde arabe que l'Institut du même nom, présidé par Jack Lang, a créé l'année dernière sur le modèle en plus concentré et en plus spécifique de nos prestigieuses rencontres de Blois qui se tiennent traditionnellement en octobre. France Culture est associée de près à cet événement printanier. Je suis heureux d'y transporter notre émission devant un public ardent, rassemblé dans le beau bâtiment de Jean Nouvel qui s'élève, comme vous le savez, au bord de la Seine, tout juste en amont de Notre-Dame de Paris. Et je suis très heureux d'y accueillir Leïla Dakhli. Elle est chercheuse au CNRS, attachée au centre Marc Bloch de Berlin. On lui doit des travaux précieux sur l'histoire du Proche-Orient contemporain et sur celle des femmes en mouvement dans cette région du monde, sur l'évolution des formes qu'un féminisme original a pu y prendre depuis le 19e siècle. C'est de ce sujet que nous allons parler pour tâcher tout à la fois de pourfendre un certain nombre de clichés que continue de charrier parmi nous l'héritage d'un orientalisme parfois fantasmatique et d'approfondir la complexité d'évolutions qui ont été bousculées par des forces multiples et souvent antagonistes. Ce féminisme a dû construire sa marche qui n'a pas été linéaire entre tradition religieuse et modernité culturelle, certes, mais aussi entre fierté nationale et fascination occidentale, entre déterminations étatiques et pulsions populaires, entre revendications politiques et aspirations sociales. Dans ce paysage, le port du voile, qui est devenu à nos yeux de contemporains un enjeu majeur, apparaît dans la complexité de sa symbolique et de son usage. Et je gage qu'il sera fort présent dans notre conversation, comme il advient généralement dans le dialogue du passé et de l'actualité, on aurait tort de donner de ce tissu une interprétation trop simple, parce que plusieurs sortes de voiles ont existé et perdurent, et parce que leur portée concrète et emblématique a pu beaucoup varier d'un lieu à l'autre, d'une époque à l'autre. Pour commencer, je vais vous proposer une chanson de la chanteuse algérienne Souad Massi, une chanson qui s'appelle Samira Meskina, la pauvre Samira, qui est sortie en 2010, où elle explique que du matin au soir, elle fait le ménage, que tout le monde se défoule sur elle. J'en ai marre, dit-elle, de la vaisselle du repassage, cuisiner, pétrir et surveiller le lait qu'il ne déborde pas, alors que les autres filles sont belles et ont de la chance, avec de longs cheveux, elles vont à la plage. البنات كامل شابين وعندهم الزهر عندهم شعر طويل ويروحوا للبحر يلبسوا غير في الحطات ويروحوا للسهرات وانا كي تجي دالتي لا لا لا وانا من صباح العشية نخدم في الشغل اللي يجي يحقر فيا وعليا يتمهبل وكرات مغسيل ما عن الحوايج والحديد نطيب ونعجن خايفة على حبيب لا يفيد يا لو كان جيت راجل ما يديروا فيا هذا الباطل يا لو كان جيت راجل ما يديروا فيا في قدي كامل مزوجات كل واحدة وين راحت صغار عليا جيحات تبعوا في المسلسلات مساكن طمعات تجي واحد يديهم فوق عود ابيض رفد الورد واخويا خارج فيا كي يشوفون يتقلق يضل يعس فيا على والو يتقلق كاش نربطو كي يكون غارق في المنام في بير غمق نحطو خطر يخاف من الظلام معاك كبيرة ما تلعبيش برا ما تنسيش باللي انت مرا ولاد برا يلعبوا والطفلة تدير العقل وما يديروا كيما يحبوا تعاونينا في الشغل يا لو كان جيت ما تديروا فيا هذا البطل يا لو كان جيت ما تديروا فيا هذا البطل ليلى داكلي بونجور بونجور est-ce que vous pouvez nous traduire encore quelques extraits de cette chanson de Swann Massy? Bon, d'abord, elle dit « Et si j'étais un homme ?» hein, c'est le refrain principal. Et puis, elle évoque le fait qu'elle ne peut pas jouer dans la rue, qu'elle ne peut pas sortir, qu'elle doit rester à sa place, qu'elle doit rester sage. Et je voudrais juste dire que je trouve que c'est un très bon choix parce que précisément, c'est une chanson qui, d'emblée, situe non seulement la question des femmes, mais la question des femmes dans leur dimension sociale. Il s'agit d'une femme d'un quartier populaire, on le comprend à l'écoute de la chanson. D'autres peuvent aller à la plage, peuvent profiter du bon temps, etc. C'est aussi parce qu'elle est pauvre qu'elle est d'autant plus assignée à son rôle de femme à la maison. Oui, dans une interview, elle disait... La femme pleine de rêves doit malheureusement se marier jeune, avoir des enfants, ne pas sortir. Et elle ajoutait, au Maghreb, c'est la réalité quotidienne de beaucoup de femmes qui sont écrasées sous le poids des convenances. Les convenances, c'est-à-dire le poids des obligations sociales, nous allons retrouver cela tout au long, je pense, de notre conversation. Oui, le poids des convenances et le poids d'un certain ordre social qui est d'autant plus fermé que les femmes n'ont pas d'autre accès à l'émancipation. Donc on sait que dans des familles où tout le monde ne peut pas aller à l'école, ça sera d'abord les femmes qui seront privées de cet accès à l'éducation. Ce sera d'abord les femmes qui seront chargées de vaquer aux occupations quotidiennes et de s'occuper de tenir la maison, alors que elle parle d'ailleurs dans la chanson aussi de son frère. Les frères, comme les pères, sont, même s'ils sont pauvres, ont accès à l'espace public et à une certaine forme de liberté. Dans les travaux, Leïla Dakhli, de ceux qui, comme vous, se sont penchés sur la question de la situation de la femme depuis le 19e siècle et du féminisme au Proche-Orient, au Moyen-Orient, il me semble qu'on peut regrouper les travaux en deux catégories. Vous allez me dire si vous en êtes d'accord. D'un côté, ceux qui s'efforcent d'établir une compatibilité entre l'islam et l'émancipation des femmes, sur la longue durée de l'histoire, nous allons en dire un mot, et ceux qui mettent au contraire l'accent sur la spécificité de l'islam et la domination des femmes musulmanes indépendamment des sociétés dans lesquelles elles se trouvent. On a envie spontanément de choisir la première famille d'interprétation. Je rajouterai une troisième catégorie, hein, celle qui cherche à émanciper la question des femmes de la question de l'islam, de la compatibilité ou de l'incompatibilité. C'est-à-dire que, effectivement, la question des femmes dans le monde arabe a été longtemps prise dans un dialogue plus ou moins faussé, plus ou moins, disons, sincère, avec le texte religieux, et en particulier le texte musulman, enfin le Coran. Oubliant que dans le monde arabe, d'abord, il n'y a pas que des femmes musulmanes, et que il y a d'autres sources de compréhension de la situation des femmes que le Coran. Effectivement, y compris dans les origines du féminisme dans le monde arabe, on peut difficilement faire l'impasse sur toute une source de ce féminisme qui est celle du réformisme islamique et qui donc se fonde précisément sur le texte coranique pour, disons, émanciper les femmes. Alors là, c'est là que ça devient compliqué, c'est-à-dire que une fois ce terrain posé comme un terrain de compréhension de la question des femmes, certains vont l'utiliser pour enfermer plus les femmes et d'autres pour l'émanciper plus. En arrière-fond du paysage, de la réflexion, par conséquent, on en revient forcément aux origines de l'islam, même si vous avez raison de dire que toutes les Arabes ne sont pas des musulmanes. Bien sûr, c'est très important de le rappeler, nous le considérons au cours de cette conversation. Il n'empêche que la question des origines de l'islam pose le problème de la compatibilité entre le Coran et l'émancipation des femmes, et d'autre part, conduit à regarder la situation des femmes au tout début de l'ère musulmane, et en particulier les relations de Mahomet lui-même avec sa femme, Khadija, avec Fatima, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout cela et montrer les nuances indispensables? En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, une des sources, une des manières de s'emparer de la question féminine et de se déprendre, disons, de l'interprétation des textes et de ce qu'il faut ou ne faut pas faire en fonction du texte coranique pour les femmes, ça a été de se référer aux femmes du prophète. Donc aux femmes du prophète au sens large, c'est-à-dire effectivement ces femmes, mais aussi ces enfants. Et donc certaines de ces femmes sont devenues donc des exemples d'émancipation, des exemples d'une manière pour une femme de se conduire ou d'être dans l'islam, en particulier en donnant, alors ça a été le texte par exemple de Fatima Mernissi sur les femmes du prophète, qui est un des textes fondateurs des féminismes arabes, hein, j'utilise des pluriels un peu de manière systématique parce que c'est une question très complexe, et en s'inspirant, enfin donc en décrivant la vie des femmes du prophète, l'idée est et était de dire voilà, autour du prophète il y a des femmes qui sont considérées comme des compagnons du prophète, qui ont pu délivrer des hadiths, en l'occurrence il s'agit essentiellement de Aïcha. Hadith, expliqué, oui. C'est-à-dire des qui ont raconté la manière dont le prophète se conduisait, etc., et qui donc ont été à l'origine d'une des sources des textes sacrés, hein, qui se divisent entre le texte coranique et justement les hadiths, les dits du prophète. Donc ces femmes sont des sources, y compris pour la connaissance de l'islam. Et l'autre exemple, c'est souvent celui de Khadija, qui elle est la femme qui a accompagné le prophète et qui lui a donné des enfants et qui a été son soutien permanent. Et là aussi, il s'agit d'une femme qui construit sa vie, pas simplement uniquement autour du prophète, mais qui lui donne une force qu'elle trouve elle-même, hein, dans sa propre force personnelle. Donc c'est des exemples, disons, qui ont été convoqués pour dire qu'en réalité, il ne fallait pas enfermer les femmes dans simplement une série de règles qu'elles devraient ou pas respecter. J'ai lu aussi qu'un certain nombre de ces hadiths, de ces commentaires, de ces accompagnements ont été, aux yeux des femmes, souvent rédigés après coup par des hommes désireux d'y inscrire leur volonté de domination. Il est certain que l'ensemble des hadiths ont été rédigés après, qu'ils ont été continués jusqu'au IXe siècle, hein, au moment où s'arrête, disons, l'interprétation, où s'arrête la fixation de l'ensemble des textes coraniques. On peut imaginer, enfin c'est ce que dit par exemple Jacqueline Chebbi dans son récent livre, qu'effectivement dans cette période d'établissement du texte se jouent des rapports de force nombreux, dont une partie vise effectivement la question des femmes et de leur place dans le Coran. Et donc si on compare à la fois ce qu'on sait historiquement de la situation des femmes au moment du prophète et de l'établissement de la fixation de ce rôle dans les textes au IXe siècle, on voit que, c'est pour le dire librement, on a un peu serré les vis, très clairement. Donc on a aussi éliminé des choses qui potentiellement auraient pu être des sources de plus grande liberté. Et cette vis n'a pas été serrée définitivement. Il me semble que dans la longue durée des siècles, au moins jusqu'au XVIIIe, il y a eu des cycles, il y a eu des va-et-vient dans le serré de la vis, dans le serré de la domination des femmes. Ou est-ce que vous voyez une évolution plate? Alors là, si on sort de la question des textes, évidemment, l'évolution n'est pas plate, elle est différenciée en fonction des milieux, en fonction des lieux, en fonction des situations, y compris de guerre ou de paix. Et évidemment, on parle d'une zone géographique qui est vaste et dans laquelle s'expriment différentes cultures, différentes langues. Simplement, je pense que le vrai tournant, disons à la fois théorique et pratique, qui concerne les femmes, il n'arrive pas avant, disons, le moment de la Nahda, c'est-à-dire de la renaissance intellectuelle, disons au début du 19e, c'est-à-dire à partir de ce moment-là que avec l'entrée, disons, dans une culture à la fois de l'écrit mais aussi de la relecture des textes, enfin d'un retour de l'effort d'interprétation comme on dit dans le langage réformateur musulman, c'est là qu'on se ressaisit de la question de manière plus directe et que on entre en dialogue avec des hommes et des femmes qui s'interrogent sur la manière, disons, d'adapter les textes coraniques et les textes qui vont autour à la réalité des femmes ou aux différentes réalités des femmes. Nous allons donc concentrer notre attention sur le 19e siècle, sans nous attarder sur les périodes antérieures, le temps qui est marqué au fond par le contraste entre cette nada, c'est-à-dire cette sorte de renaissance de la réflexion dans le monde musulman, et d'autre part l'orientalisme en Europe qui vient caricaturer le regard des Européens sur ce monde arabe. Je pense, par exemple, on pourrait prendre beaucoup d'exemples, mais Flaubert en est un archétype, un concentré, puisque on peut lire dans son Voyage en Orient des descriptions de la femme arabe qui nous laisse parfois un peu pantois. Alors, je suis sûr que vous serez contente, Leïla Dakhli, que je vous en offre un spécimen. Voilà une lettre de Flaubert à son ami Louis Bouillet, écrite du Caire le 13 mars 1850. Je fais observer en passant que Louis Bouillet n'était pas l'extrême pointe du féminisme, puisqu'il a eu ses deux vers restés fameux. « Tu n'as jamais été dans tes jours les plus rares qu'un banal instrument sous mon archer vainqueur. » Voilà Flaubert, ami de Bouillet. Kutchuk Hanem est une courtisane fort célèbre. Quand nous arrivâmes chez elle, il était 2 heures de l'après-midi, elle nous attendait. Sa confidente était venue le matin à la cange, escortée d'un mouton familier tout tacheté de henné jaune, avec une muselière de velours noir sur le nez et qui la suivait comme un chien. C'était très farce. Elle sortait du bain. Un grand arbouche, dont le gland éparpillé lui retombait sur ses larges épaules et qui avait sur son sommet une plaque d'or avec une pierre verte, couvrait le haut de sa tête, dont les cheveux sur le front étaient tressés en tresses minces, allant se rattacher à la nuque. Le bas du corps, caché par ses immenses pantalons roses, le torse tout nu, couvert d'une gaze violette, elle se tenait debout, au haut de son escalier, ayant le soleil derrière elle et apparaissant ainsi en plein dans le fond bleu du ciel qui l'entourait. C'est une impériale bougresse, tétonneuse, viandée, avec des narines fendues, des yeux démesurés, des genoux magnifiques, et qui avait en dansant de crânes plis de chair sur son ventre. Elle a commencé par nous parfumer les mains avec de l'eau de rose. Sa gorge sentait une odeur de térébenthine sucrée. Un triple collier d'or était dessus. On a fait venir les musiciens et l'on a dansé. Sa danse ne vaut pas, à beaucoup près, celle du fameux Hassan dont je t'ai parlé. Mais c'était pourtant bien agréable sous un rapport et d'un fier style sous l'autre. En général, les belles femmes dansent mal. J'en excepte une Nubienne que nous avons vue à Assouan. Mais ce n'est plus la danse arabe. C'est plus féroce, plus emporté. Ça sent le tigre et le nègre. C'était une lecture de Frédéric Cantrel, diffusée dans l'émission La matinée des eaux de Roland Houguet sur France Culture, le 18 octobre 1988. Leïla Dakhli, votre réaction à un texte de cette tessiture? Alors, on y trouve évidemment des ingrédients assez spécifiques hein, de cette littérature orientaliste sur la description évidemment de la femme. Et un des éléments qui me semble important, c'est de voir comment ce regard européen porté sur les femmes du harem, puisqu'on n'a pas encore prononcé le mot, est un regard qui est frappé par la liberté des corps, par la manière dont les corps se dévoilent, se montrent, sont presque animaux, hein, là, dans l'usage des adjectifs et des substantifs hein, qui sont utilisés pour décrire cette femme. On voit bien cela et il faut le comparer évidemment avec la contrainte hein, que subissaient les corps féminins en Europe à l'époque. Hein, donc toujours corseté, toujours très très couvert et donc en contraste un corps qui lui n'est pas lié est extrêmement frappant pour un regard européen. Au-delà corset, de tout ce qu'on peut dire sur le regard colonial qu'on observe bien dans ce texte-là. Il faut rappeler que le corset n'a été supprimé qu'à la veille de 1914 sous l'influence de l'admirable couturier qui était Paul Poiret. Salut. Là, on est dans un moment où les femmes en Europe, en tout cas les femmes de ce milieu-là, sont des femmes dont le corps est très peu libre, très entravé. Donc on voit bien que là, ce qui le frappe, c'est la manière dont ce corps n'est pas entravé, dont il danse, dont il évolue sous ses yeux, avec évidemment tout ce qui frappe immédiatement, évidemment, sur un regard, cette fois-ci colonial, appliqué à une Afrique où il y a des gradations entre le Caire et Assouan, entre une certaine coloration, pigmentation de la peau, qui rapproche, évidemment, dans le regard colonial, de plus en plus de l'animal pour aller jusqu'au tigre à la fin. Il y a des Occidentaux qui portent sur ce monde arabe un regard un peu différent, disons plus moderne, plus audacieux. Je pense aux Saint-Simoniens, par exemple, qui viennent dans ces années-là, notamment en Égypte, qui pensent à la fois qu'ils peuvent apporter des éléments et aussi apprendre beaucoup de l'équilibre de cette société. Oui, je ne suis pas certaine qu'ils aient porté un regard très moderne sur la question, sur les femmes. De toute façon, ce regard, il est très intrigué, en fait, il faut le dire. C'est-à-dire que ces hommes n'ont pas ou ont très peu accès aux femmes normales. Qui ne soient pas courtisanes. Voilà, qui ne soient pas courtisanes. Et donc, il est entièrement porté sur l'observation de ces courtisanes ou sur des femmes que l'on voit, mais qui finalement présente peu d'intérêt pour eux, c'est-à-dire les paysannes et les femmes qui sont au travail, hein, qu'on voit en réalité, si on imagine la rue du Caire, même à cette époque-là, en réalité, il y a des femmes, puisqu'il y a des femmes qui travaillent, des femmes qui viennent vendre leurs produits venus des campagnes autour, etc. Mais simplement, celles-ci sont invisibles, elles n'existent presque pas en tant qu'être féminin, disons. Et les voyageurs ne les voient pas. Oui. Valérie aurait dit « passe entre mes regards sans briser leur absence ». Exactement. Et on voit très bien dans les peintures orientalistes, parce que parfois, en arrière-fond, on voit des femmes, des paysannes, ou dans les tableaux de la Croix, par exemple, on voit des tableaux de harem, des scènes où les femmes ont le rôle principal, mais on voit aussi des scènes de rue où il y a des femmes. Hein, une forme d'observation ethnographique, un petit peu comme ça, au passage, disons, effectivement. Or, on est sensible forcément au fait que, concomitamment, à la même période ou à peu près, surgissent un certain nombre d'écrivains, certes minoritaires, mais qui commencent, notamment en Égypte, à défendre l'idée de la libération nécessaire des femmes. Je pense à ce livre de Kassim Amin, La libération des femmes, un livre publié en 1899 et qui n'a pas cessé depuis de susciter des controverses. Il y écrit notamment « Je ne crois pas qu'il soit exagéré de dire que les femmes sont le fondement d'une édification solide de la civilisation moderne ». Voilà qui tranche avec les clichés véhiculés en Occident. Absolument. À partir, disons, de la deuxième moitié du 19e siècle, dans l'ensemble des remises en question et des discussions qui ont lieu dans ce qu'on appelle communément donc la Renaissance culturelle arabe, la Nahda, la femme, je dis bien au singulier, parce que là il y a vraiment un usage au singulier de la femme, sur lequel on reviendra peut-être, a un rôle très particulier à jouer, puisqu'elle est désignée comme donc la femme et aussi la mère des hommes que l'on doit éduquer pour le bien d'une nation à renouveler, pour l'éducation nouvelle des Arabes. Et donc effectivement, le texte de Kassim Amin a à la fois été un texte polémique, mais pas seulement, il a jeté les bases, et d'autres avec lui, disons, d'une réflexion et d'un débat sur le rôle que la femme a joué dans cette évolution du monde arabe et du monde intellectuel arabe, mais aussi du monde social. Dans la génération ultérieure, on pourrait citer aussi le nom de Taha Haddad, le père du féminisme tunisien. Est-ce que ces auteurs ne sont pas néanmoins marqués par un certain paternalisme? Ils ont une vision très paternaliste du rôle de la femme, et effectivement de la femme prise comme un symbole. Elle est à la fois paternaliste et, mais ça va avec, nationaliste. C'est quelque chose qui a été assez bien étudié pour le cas de l'Égypte, par exemple, par l'historienne Beth Baron, qui montre bien comment dans le développement d'un nationalisme égyptien, la nation et la femme finissent par fusionner. Et donc, en réalité, pour sauver la nation, il faut sauver la femme, et donc se saisir de la question féminine pour arriver à l'indépendance ou à l'émancipation, etc. Et c'est vrai aussi, on le verra plus tard, avec Bourguiba en Tunisie, à la suite de Taha Haddad. Donc il y a effectivement un paternalisme, et puis il y a une forme de prise en otage de la femme comme symbole. Elle n'existe pas dans ses différentes incarnations, mais comme le symbole d'une nation ou d'un idéal à atteindre. C'est Marianne, d'une certaine façon. Bien sûr. N'oublions pas qu'en Occident, en France en particulier, à l'époque, la femme n'est pas exactement à parité avec l'homme. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Ce sont des évolutions qui sont exactement contemporaines et tout à fait comparables. Je pense qu'à cette époque-là, ça chemine de manière très, très parallèle. Et d'ailleurs, à la fois les mouvements de femmes, mais aussi les discussions sur le rôle de la femme, sont des dialogues entre l'Europe et le monde arabe à l'époque, ils ne sont pas complètement séparés. Alors quand on réfléchit, comme nous le faisons ce matin, Leïla Dakhli, l'émergence d'un féminisme parmi les femmes arabes, on peut peut-être dire, en tout cas c'est ce que vous marquez, qu'il y a un premier temps qui est un peu un féminisme de salon. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est porté forcément par un certain nombre de privilégiés et de bourgeois, ce qui ne veut pas dire que cela ne se diffuse pas progressivement dans l'ensemble de la société, mais il y a un certain nombre de personnages qu'il vaut la peine de faire revivre. C'est absolument, là aussi, contemporain et comparable à ce qui se passe en Europe. De toute façon, la question du féminisme lui-même comme proposition ne se pose qu'à l'intérieur d'un certain milieu. On pourrait dire que à une certaine époque, c'est-à-dire à cette époque dont on parle, au milieu du 19e siècle, d'un certain point de vue, bon, les femmes des milieux populaires sont plus émancipées que les femmes bourgeoises, au sens où, étant obligées de travailler, de vaquer à leurs occupations, elles ont d'emblée un rôle dans la société que d'autres ont à revendiquer. Donc c'est un peu paradoxal de dire ça, mais dans une certaine mesure, ça n'est pas faux. Hein. On va le retrouver sur la question du voile, qui est le symbole même de la femme urbaine bourgeoise. On dit parfois le contraire pour aujourd'hui. Or, il est très intéressant de faire ce rapprochement. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, un certain nombre de bourgeoises un peu internationalisées sont plus libres que les autres de ne pas porter le voile, puisque... Bien sûr, c'est ce que disait la chanson dès l'entrée de l'émission. Mais en tout cas, à cette époque-là, je pense que c'est important de voir que ce paysage est déjà différencié. C'est le contraire à l'époque. Oui. Et que pour nous aussi, en tant qu'historiens en l'occurrence, on a accès à des sources qui sont celles de ces bourgeoises qui, elles aussi, ont une attitude relativement paternaliste vis-à-vis des femmes non éduquées, qui sont obligées de travailler, etc., des classes populaires. Donc c'est aussi dans ce féminisme de salon que va se développer un féminisme qui est axé sur la question de l'accès à un certain nombre de droits, de l'éducation, de la formation de femmes pour travailler, pour accéder à un certain nombre de métiers. Donc c'est là aussi, c'est très parallèle à l'évolution des féminismes européens à l'époque. Il faut, à ce point de notre propos, faire surgir une figure tout à fait digne d'intérêt, peu connue en France, en Occident, qui est celle d'une personne qui a été, d'une certaine façon, une héroïne du combat féministe avant l'entre-deux-guerres, Huda Charaoui. J'aimerais que vous nous en parliez, car c'est elle qui, dans un moment décisif, a symboliquement choisi de se dévoiler. Comment en est-elle arrivée là et qui est-elle ? Alors, Huda Charaoui est une Égyptienne, donc effectivement issue d'un milieu urbain, bourgeois, et elle incarne très bien ce dont on parle, puisqu'elle est à la fois féministe, nationaliste, épouse et membre elle-même du parti Waft égyptien, très investie dans un certain nombre d'activités à caractère social, mais aussi à caractère artistique dans, disons, le Caire des années 20, pour aller vite. C'est le temps où il apparaît comme évident que se battre pour le féminisme, c'est aussi se battre pour l'émergence d'un patriotisme, d'une libération, ce qui n'est pas le cas à d'autres périodes. On a le sentiment qu'aujourd'hui, c'est moins clair, non ? C'est tout à fait vrai, mais c'est aussi ce que des femmes comme Huda Charaoui et d'autres montrent, c'est qu'il faut se battre pour l'émancipation nationale, mais aussi à l'intérieur du mouvement national, pour imposer la place des femmes à l'intérieur de ce mouvement. Double combat. Ce qui est encore vrai aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement, on le voit si on suit l'histoire des féminismes arabes, disons tout au long du XXe siècle, c'est aussi entre ce marteau et cette enclume que sont prises les femmes, et on l'a vu même, y compris récemment, dans le cadre de ce qu'on a appelé les printemps arabes, la place des revendications féminines et féministes à l'intérieur a été toujours à conquérir au sein d'autres priorités, d'autres obligations, et puis à l'intérieur même des mouvements. C'est l'histoire triste, disons par exemple, du FLN, qui est peut-être la plus travaillée, la plus connue, où il y a toute une mythologie du rôle des femmes dans les maquis, du rôle du féminisme comme bras avancé de la nation égyptienne s'émancipant, et puis le retour de bâton de l'indépendance. On voit s'effondrer toutes ces à la fois ces proclamations, mais aussi on voit simplement les femmes rentrer à la maison. Ce qui rétrospectivement jette un regard particulier sur ce qui s'est passé, utilisation de la femme pendant la guerre et ensuite, effectivement, retourner au foyer et plus récemment, accepter de vous voiler. Oui, j'ai tendance à penser aussi que c'est une non prise en compte de la place littéralement corporelle des femmes dans ce féminisme national, dans ce féminisme d'émancipation nationale. Ce que le geste de Houda Charaoui dit déjà au tout début des années 20, c'est qu'il faut aller plus loin que simplement l'intégration à l'intérieur d'un programme national des droits des femmes. Il ne s'agit pas simplement de dire dans notre Nouvelle Égypte, nous aurons des femmes qui auront accès à tel ou tel droit. Elles prennent, hein, toutes les deux, quand elles rentrent et qu'elles se dévoilent, elles prennent acte du fait que si elles ne mettent pas leur corps au milieu de ce combat-là, il n'aura pas lieu. Il faut noter qu'elle rentre du congrès de l'Alliance internationale des femmes. Oui. Avec sa collaboratrice, avec son amie Saïza Nabaraoui, qui l'accompagna ensuite dans tous ses combats. Elles descendent l'une et l'autre du train à la gare du Caire avec le visage découvert, avec les applaudissements d'une foule de femmes qui sont venues les accueillir. En 1978, sur les ondes de France Culture, Madeleine Ricot, dans une émission qu'elle appelait L'Égyptienne, c'est d'ailleurs le nom du journal de notre héroïne, Madeleine Ricot interview Saïza Nabaraoui. Et vous avez enlevé le voile définitivement à quelle date ? Alors, mais justement, quand nous sommes revenus de ce congrès, Madame Charaoui et moi, nous étions en deuil toutes les deux. Parce qu'elle avait perdu son mari l'année précédente, et moi j'avais perdu mon père l'année précédente. Ça fait que nous portions, au lieu du voile blanc, le voile noir. Alors quand nous sommes revenus, en 23, alors sur le bateau, je lui dis, écoute tante, nous n'avons pas été, je crois quand même, à Rome, dire que nous sommes émancipés, et nous allons encore de nouveau porter le voile à notre rentrée. Oui, ça vous ne pouviez pas absolument l'accepter. Ça, je ne pouvais pas le digérer. Alors, elle m'a dit, bien. Alors ce qui a peut-être aussi aidé la chose, c'est que les deux personnes de la famille qui pouvaient nous empêcher étaient morts l'année précédente. Elle, son mari, et moi, mon père. Alors, si bien que quand nous sommes revenus dans le train, elle m'a dit, écoute, César, c'est très facile, tu sais ce que nous ferons. Nous lèverons le voile noir et nous l'accrocherons comme ça. Alors, on ne verra que notre visage. Et un peu comme des nonnes. Oui, exactement. Alors, quand nous sommes revenus, alors, arrivés à la gare du Caire, les personnes qui venaient à notre rencontre ont été un petit peu ahuries, n'est-ce pas, de nous voir comme ça. Je vous dis, si ça avait été quelqu'un d'autre, qui sait qu'est-ce qu'on nous aurait fait. Quelques jours après, certains journaux ont publié nos photos dévoilées. Un événement extraordinaire. Oui. Et les femmes ont dû parler, on ne devait parler que de ça dans l'Égypte. Et alors, petit à petit, les femmes qui étaient assez émancipées et dont les maris, n'est-ce pas, acceptés, ont commencé aussi à faire comme nous. Et puis, graduellement, chez nous, ça n'a pas été comme en Turquie, un décret, n'est-ce pas, oui, présidentiel qui a supprimé le voile. Non, chez nous, ça s'est fait vous-même, graduellement, comme ça. Et petit à petit, ça a tout à fait disparu. Ah oui, et surtout, la jeune génération, arrivée à un certain âge, non, ne se sait plus voilée. Les eunuques qui accompagnent les deux femmes sont très, très mécontents, nous dit-on. Vous remarquez quel français elle parle. À l'époque, cette bourgeoisie égyptienne parle admirablement le français, parfois même mieux que l'arabe, puisque notre combattante est obligée de faire traduire en arabe par un secrétaire, nous dit-on. C'est le temps où il y a une magnifique presse francophone en Égypte, quotidienne et hebdomadaire. En tout cas, je pense qu'elle écrit mieux le français que l'arabe, hein, la revue L'Égyptienne est en français. Après, faut aussi se souvenir qu'à cette époque-là, il y a aussi des femmes écrivains de langue arabe qui véhiculent ces idées d'émancipation et qui racontent. Il y a tout un courant du féminisme qui est moins connu, qui est une forme de littérature un peu grise, hein, de cette époque-là en Égypte et pour ce que je connais mieux, disons en Égypte et au Proche-Orient. Grise, vous voulez dire qu'elle n'est pas vraiment publiée? Elle est publiée, mais c'est de la littérature populaire, c'est des histoires de femmes, c'est des biographies, c'est des C'est aussi tous les journaux féminins qui sont à la fois féministes et féminins. Donc l'Égyptienne est un journal qui est vraiment un journal de ce type-là, dans lequel on trouve à la fois de la mode, de la décoration, et puis des questions plus, disons, militantes liées aux femmes. Et c'est vraiment un genre journalistique que l'on retrouve dans toute la région, avec des, à partir des années 1910, dans la région, il y a énormément de journaux féminins qui se développent et qui sont tous portés par des femmes ou par des femmes avec des hommes, et dans lesquelles, ce que je voulais dire avec la littérature grise, c'était ça aussi, on trouve l'écho des voix des lectrices, parce qu'il y a une place très particulière qui est faite au courrier des lectrices. Petite bourgeoise, souvent, enfin, d'un milieu moins privilégié. C'est difficile d'identifier exactement de manière comme ça globale leur milieu. Ce qu'on sait, c'est qu'elles elles contribuent, elles envoient des lettres, et donc elles savent écrire, et donc elles participent, et on voit aussi leur centre d'intérêt, hein, et la manière dont elles se rapportent à cette littérature qui est la leur. Donc ça circule aussi beaucoup, et essentiellement quand même en langue arabe. Ce qu'on sait aussi de la lecture des journaux, c'est que c'est des lectures partagées, hein, qu'on fait en disons à la maison, à plusieurs, et qu'on peut tout à fait échanger tout en n'ayant pas directement accès soi-même ou à la lecture ou à l'écriture. Cette question du voile qui apparaît au premier rang de l'attention avec un éclat spécifique à cause de ce geste en particulier. Depuis lors, il n'a pas cessé de préoccuper à la fois les acteurs et les observateurs en faisant un symbole, mais un symbole dont j'aimerais que vous nous rappeliez la complexité. Non, sans vous avoir fait entendre d'abord un témoignage tout à fait récent, lui, vous pourrez nous dire si vous sentez une concordance des temps ou non avec votre 20e siècle. C'est l'interview d'une jeune Algérienne qui s'appelait Yasmine, une architecte âgée de 27 ans, dans le cadre de l'émission d'Éric Valmire, Partout ailleurs, sur France Inter, le 14 décembre 2012, une émission qui était consacrée à l'Algérie d'aujourd'hui. Écoutons-la. Il y a des filles qui portent le voile parce qu'elles le veulent. Il y a des filles qui portent le voile parce que leur famille leur a mis la pression, et quelque part, le fait de mettre le voile, c'est un moyen d'avoir plus de liberté. Parce que du moment que tu as le voile, les parents disent « Ah oui, c'est une fille de bonne famille, elle peut aller sortir, voir ses amis. » C'est juste un laisser-passer. Mais ça ne veut pas dire qu'une fille qui met le voile, c'est une fille super pratiquante ou c'est une fille prude. Cette notion a complètement disparu. Et de nos jours, enfin, de plus en plus répandu, le phénomène de voile... comment on pourrait appeler ça, un voile décapotable, nous on appelle ça. C'est un voile, en fait, super léger, avec la mèche qui dépasse, la mèche bien brushingée, avec le jean super serré, les talons. C'est pas un vrai voile, quoi. Elles en rajoutent, elles peuvent pas montrer les cheveux, mais alors, elles compensent le tout sur le visage. C'est le tableau de Picasso sur la figure, oui, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles fument, parce qu'en fait, elles compensent que la majeure partie du temps, elles peuvent pas fumer, donc dès qu'elles peuvent fumer, ça clope à mort. Oui, parce que par exemple, une femme ne fume pas dans la rue encore. Non, pas encore. Pas encore. Qu'est-ce qui se passe si elle fait ça? Elle se fait chahuter, elle se fait insulter, elle se fait embêter, en fait, harceler un peu. Il y a pas l'espace public algérien est très c'est un espace d'homme, déjà c'est l'espace de l'homme. La femme ne fait que passer dans l'espace public. Elle ne sort pas à la tombée de la nuit, par exemple. Voilà. C'est un espace dynamique pour la femme, c'est pas un espace statique. La femme ne s'assied pas dans les places publiques, pas du tout. Dans les jardins, pas du tout. C'est Picasso sur la figure, Leïla Dakhli. Et à la fois, me semble-t-il, l'idée du droit à la séduction et en même temps la protection contre des harcèlements dans la rue ou ailleurs. Cette ambivalence-là, on la sent déjà dans les années 20, comme aujourd'hui. C'est très difficile d'imaginer les conditions dans lesquelles se pose la question du voile, disons dans les années 20, à partir de ce que l'on connaît aujourd'hui. Parce que c'est vraiment extrêmement différent, même si c'est important de le comprendre pour éviter d'assigner au voile une fonction et au non-voile une autre fonction. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, le geste de dévoilement de Houda Shahraoui, il s'impose comme un geste symbolique, mais il n'est pas du tout isolé à cette époque-là. Elle le dit d'ailleurs dans l'interview. Dans certains cas, on a déclaré l'interdiction du voile. Dans d'autres, de toute façon, ce qui pousse au dévoilement, c'est tout simplement l'air du temps, si j'ose dire. C'est-à-dire que les femmes s'intéressent à la manière dont on se vait ailleurs à une sorte de circulation mondiale, de, ou disons au moins méditerranéenne, disons, de la mode, des critères esthétiques. Le rôle du cinéma, peut-être. Le rôle du cinéma, bien sûr, le rôle des grands magasins, le rôle de toute une série de, d'objets qui circulent et d'images qui circulent et auxquelles non seulement la bourgeoisie adhère, mais auxquelles elle contribue. Hein. Houda Charlaoui elle-même fabrique des meubles, imagine du design à l'époque, etc. Donc tout le monde est fabricant en partie de ce nouvel air du temps, en tout cas dans, la, dans une certaine bourgeoisie. Et donc c'est à l'intérieur de cette bourgeoisie-là que se pose la question du voile dans un premier temps. Et il faut savoir aussi que, y compris les revendications féministes, s'inscrivent dans cette sociabilité-là. Parmi les droits que revendiquent les féministes dans les années 10-20, il y a l'accès justement au cinéma sans être accompagné d'un homme. Il y a l'idée qu'on puisse circuler dans certains endroits qui sont autorisés, qui est des lieux réservés aux femmes, dans les transports, dans des lieux de loisirs, etc., etc. Donc on est vraiment, il faut placer cette question dans une certaine bourgeoisie urbaine, enfin en tout cas dans une urbanité. Et donc justement, déjà ça se passe pas dans les campagnes, et on le sait, dans les campagnes, le voile reste, disons, quelque chose qu'on met sur la tête pour se protéger éventuellement du soleil, de la poussière, etc., et que parfois, on enlève sans que ça pose de problème de pudeur. Et la pudeur, elle est liée à une certaine situation sociale et à une certaine, disons, exhibition possible, c'est-à-dire donc à la ville, encore une fois. Et c'est à l'intérieur de ces conditions-là que se pose, disons, au milieu des années 20, donc avec ce geste, avec d'autres gestes, avec le livre que moi j'ai beaucoup travaillé de Nazil Azzedine, donc au Liban cette fois-ci, et en Syrie, qui vont commencer à poser là ce qu'on appelle la question du voile. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il faut l'ancrer dans une question religieuse ou est-ce que c'est simplement une question sociale? Et il faut savoir qu'avant ce moment-là, c'est vraiment les seules critiques qui sont adressées au fait d'enlever le voile, c'est des critiques qui sont d'ordre social, ne pas tenir son rang. Enlever le voile, c'est ne pas tenir son rang. Et à partir de, disons, la fin des années 20 et des années 30, cette question du voile va être prise en charge par un certain courant, disons, qui est celui qui mène hein, aux frères musulmans, etc., un courant musulman de type, disons, plus radical, si je veux parler comme aujourd'hui, mais enfin, en tout cas, qui est un courant musulman qui prend en charge la question de l'ordre public dans un système politique. Et ça, c'est un fait nouveau à cette époque-là. C'est à ce moment-là que le voile devient le voile islamique, comme on dit aujourd'hui. Revenons, si vous le voulez bien, à ce moment des années 30 où commence de refluer le mouvement d'émancipation des femmes, où celles qui se battent pour cela, les féministes du monde arabe, se heurtent à plus de difficultés. Je pense par exemple à cette lettre qui est tout à fait topique, un peu antérieure, mais représentative de Houda Charlaoui, qui écrit une lettre au président du WAFT, c'est-à-dire le parti qui se bat pour l'indépendance de l'Égypte contre les Britanniques. Et elle lui écrit « La manière dont nous sommes traités nous surprend et nous consterne. Elle est contraire à ce qui, jusqu'à présent, était entendu entre nous et tout à fait différente de ce que nous étions en droit d'attendre de votre part. » Elle ajoute ceci « Les étrangers disent que la participation des femmes au mouvement nationaliste égyptien n'était pas motivée par le patriotisme, mais que les femmes ont simplement été utilisées par un groupe d'hommes du mouvement nationaliste pour induire en erreur les nations civilisées en leur faisant croire à la maturité et à l'avancement de la nation égyptienne et à son aptitude à se gouverner elle-même. Il est manifestement injuste, conclut-elle, que le WAFT égyptien, qui défend les droits de l'Égypte et lutte pour sa libération, puisse dénier à la moitié de la nation la part prise à cette libération. On revient à la question du FLN dans les années de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Alors que, à partir du moment où cette libération est obtenue, il y a une grande divergence d'un pays à l'autre. Le FLN se comporte de la façon que vous dites, mais il y a aussi un féminisme d'État. On pense en particulier à Bourguiba dans les années 60. C'est un moment très important. C'est un moment extrêmement important qui est précédé, et c'est évoqué dans l'interview de Houda Charlaoui, il parle de moment turc hein, qui a constitué un exemple, disons, y compris pour Bourguiba. Ce que dit cette déclaration de Houda Charlaoui, c'est cette situation des femmes à l'intérieur des mouvements d'émancipation nationaux, dans lequel, au fond, leur place est instrumentalisée, c'est certain, et surtout considérée comme une sorte de seconde étape. Il faut d'abord conquérir l'indépendance et puis ensuite se consacrer à l'émancipation des femmes. Et le féminisme d'État, il est aussi... Il a été porté très très fortement par quelqu'un comme Bourguiba, qui en a fait, disons, une sorte de fer de lance, hein, une sorte de signature du mouvement d'émancipation nationale tunisien. Mais il faut se souvenir que Bourguiba lui-même disait qu'il ne fallait pas laisser la question féminine devenir un argument d'instrumentalisation par le colonisateur. Ça, c'était un discours antérieur à l'indépendance. Avant l'indépendance, bon, il refusait justement que le programme du néo-destour porte de manière trop visible l'émancipation des femmes, considérant que si c'était le cas, cela ne devait arriver qu'au moment où justement l'indépendance aurait été conquise. Mais puisque... à peine l'indépendance conquise, alors il est extrêmement prompt, oui, dans les réformes qu'il prend. Il y a le fameux code du statut personnel. 3 mois à peine après l'indépendance proclamée, il y a un texte profondément novateur qui, aux yeux des autres, font des Tunisiennes, en tout cas pour l'heure, des privilégiées. Les femmes obtiennent le droit de travailler, de se déplacer, d'ouvrir des comptes bancaires, de créer des entreprises sans l'autorisation de leurs époux. Il y a une énergique politique de planification familiale. Ça, c'est vraiment une rupture. C'est là que intervient un autre ingrédient, qui est l'intelligence politique de Bourguiba, qui sait probablement que si ce code ne passe pas immédiatement, il ne passera pas. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans d'autres situations, c'est qu'en réalité, attendre le moment où les hommes, une fois installés dans de nouvelles situations de pouvoir, pourraient en arriver à se préoccuper de la situation féminine, a été une fausse piste. Entre nous, le fait d'avoir à se hâter quand on arrive au pouvoir pour faire les réformes profondes, c'est une leçon qui pourrait éventuellement servir ailleurs. Absolument. Restons prudemment dans la Tunisie des années 60. Bourguiba traite le voile de misérable chiffon, d'épouvantable suaire. Voilà qui est frappant après coup. Écoutez cette interview qu'il a donnée à Jacques Chancel dans l'immortelle émission Radioscopie. Elle est ici diffusée sur France Inter le 13 décembre 1974. Il est déjà au pouvoir depuis une quinzaine d'années et commence de vieillir un peu. Monsieur le Président, vous avez vu que la loi sur l'avortement est passée en France. Oui. Avec une forte majorité. Ben, comment réagissez-vous ? Nous avons précédé la France sur ça, n'est-ce pas ? Nous avons admis, n'est-ce pas, le droit à l'avortement de la femme dans les 3 mois, dans les 3 premiers mois. En France, c'est les 10 premières semaines. Nous avons parlé de 3 premiers mois, même sans l'accord du mari. Nous avons fait une révolution énorme sur le plan du statut personnel de la femme. Ça, c'est une chose que beaucoup de gens ignorent. Aucun pays musulman n'a fait ce que nous avons fait. J'ai interdit la bigamie, j'ai supprimé les tribunaux religieux, les tribunaux rabbiniques des juifs, les tribunaux mixtes, les tribunaux français, et c'est une justice. Maintenant, on se marie, comme en France, n'est-ce pas, devant la municipalité. C'est le respect humain qui vous a guidé, le respect de la femme. Ça, c'est entre moi et ma mère, n'est-ce pas. J'ai su comment elle a souffert, cette femme-là, n'est-ce pas. Ma grand-mère qui a été répudiée, n'est-ce pas, après avoir mis au monde ma mère, n'est-ce pas. Un caprice de mon grand-père. Je dis ça, non. La dignité de la femme existe tout de même, qu'elle soit traitée au moins comme les ouvriers, n'est-ce pas, les ouvriers pour faire la grève. Il faut d'abord essayer de se mettre d'accord, n'est-ce pas. Eh bien, malgré un verset du Coran qui permet 2, 3 et 4 femmes, j'ai interprété, n'est-ce pas, la fin du verset, n'est-ce pas, pour interdire la bigamie. L'autre jour, assistant au défilé des jeunes filles, n'est-ce pas, à Alger, pour le 1er novembre, le 20e anniversaire de la Révolution. Alors, j'avais à côté de moi, il m'a mis à sa droite, j'étais le plus vieux combattant, n'est-ce pas. Je lui dis, ces filles-là, vous allez les laisser, n'est-ce pas, à la merci, n'est-ce pas, d'un mari qui peut se marier, n'est-ce pas, prendre 2 ou 3 femmes. Il m'a dit, oui, je suis en train de réfléchir à ça, c'est pas facile. Je lui dis, moi, je l'ai fait. Habib Bourguiba, décembre 1974, nous sommes à 42 ans de cette interview, Leïla Dakhli. Et je vois dans Le Monde, il y a quelques jours, une interview du chef du parti Ennahda, qui est considéré comme islamiste en Tunisie, M. Ghannouchi, qui explique qu'on peut sortir de l'islam politique et qui parle de la situation des femmes d'une façon qui me paraît encore un peu ambivalente, vous ne trouvez pas ? C'est certainement un peu ambivalent. En même temps, Ghannouchi est un fils de Bourguiba, si j'ose le dire ainsi. Cette interview, je l'ai lue aussi, et elle est assez étonnante. C'est-à-dire qu'elle réinscrit ce tournant qu'il annonce, hein, dont on ne sait pas, parce que le congrès doit quand même un peu avoir lieu avant qu'il puisse proclamer, ça dit quelque chose aussi sur le parti Nava en même temps, d'annoncer les résultats d'un congrès avant qu'il se tienne. Mais bon, ça c'est autre chose. Au-delà de ça, il prend acte du fait que les modifications de la constitution, de la dernière constitution tunisienne, sont un socle suffisant pour que, selon lui, s'installe un consensus possible dans lequel Narda est un parti comme les autres. Il dit en même temps qu'il y a trop peu de femmes dans le parti, et il est assez flou sur la question de l'héritage qui reste très important. Est-ce qu'on favorise le fils par rapport à la fille? Ah voilà, c'est la seule chose que Bourguiba n'ait pas faite dans le temps qui lui était imparti, et c'est resté une question ouverte, aujourd'hui débattue à l'Assemblée tunisienne, qui est le droit à un héritage égal. Maintenant, il faut dire au crédit de Narda que c'est le parti qui a le plus de femmes au Parlement tunisien. Donc c'est très ambivalent aussi cette question de ce que je disais sur détacher cette question des femmes de la question de l'islamisme. C'est un préalable aussi pour essayer de voir le fond et la forme, d'une certaine manière, s'il porte un discours qu'on peut considérer comme pas forcément très émancipateur pour les femmes, dans les faits, c'est un parti dans lequel il y a énormément de femmes, dans lequel il y a des femmes qui jouent un rôle très actif et qui sont très présentes. Donc ces deux choses restent à envisager ensemble. Cet entre-là du fond et de la forme, on le trouve constamment quand on s'attache à restituer l'histoire du voile. Aussi sur d'autres choses, sur la présence dans l'espace public et la réalité de l'égalité, par exemple dans l'espace domestique. Enfin, il y a aussi toujours des ambivalences de ce type-là quand on envisage cette question. L'Égypte aussi a connu un féminisme qu'on peut appeler étatique après l'indépendance sous la présidence de Nasser dans les années 1950, de 1956 à 1970. C'était désormais l'État socialiste à qui revenait, dit une analyste à l'époque, de se charger des droits des femmes. Oui, c'est amusant parce qu'en écoutant l'interview de Bourguiba, je me suis dit qu'il avait déjà raconté cette histoire de ce qu'il dit aux Algériens, mais il l'a raconté en disant qu'il l'avait raconté aussi à Nasser, et que Nasser lui avait dit « mais comment vous avez fait ça ?» Et il lui a dit « mais vous avez qu'à le faire », et Nasser lui a dit « mais nous, on peut pas ». Visiblement une sorte d'histoire qu'il transporte avec lui dans différents lieux. Il parle à Nasser et à Jacques Chancel de la même façon, voilà un rapprochement inattendu. Oui, c'est ça. Donc il aurait, selon lui, été, disons, le porte-drapeau de l'émancipation des femmes auprès de ceux qu'on appelle ses homologues, c'est-à-dire qu'il y a un féminisme d'État, en particulier dans les pays, disons, d'inspiration socialiste, pour le dire de manière un petit vague. Ça ne veut pas dire que c'était tous des pays communistes, aux socialistes d'obédience soviétique, mais c'était des pays dans lesquels il y avait ce qu'on appelait le développementalisme. Et la femme, dans ce développementalisme-là, a un rôle particulier et fait partie du programme, disons. On fait à la fois des grands barrages, des constructions pour les classes populaires, des écoles, et on donne aux femmes un certain nombre de droits. Ça fait partie du programme. C'est un lot. Voilà. Donc ce débat, il a lieu, disons, entre les nouveaux leaders post-indépendance qui s'inscrivent dans ce vaste spectre qui va du Baath en Irak, en Syrie, au FLN, en passant par Nasser, effectivement. Et donc ils sont nationalistes, pour l'essentiel, avec plus ou moins matinée de programmes socialistes. Donc le déclin et parfois la chute de ces régimes que vous évoquez a pu entraîner des conséquences néfastes pour l'émancipation des femmes? Ou bien est-ce qu'on a retrouvé finalement un féminisme par l'intérieur de la foi? Est-ce qu'on retrouve, autrement dit, dans les années récentes, un féminisme de la croyance et de la foi? Je crois qu'en grande partie, c'est même pas le déclin de ces régimes qui a entraîné la fin d'un certain nombre d'espérances féministes. C'est à l'intérieur même de ces régimes que ces espérances ne se sont pas réalisées. C'est l'histoire aussi d'une trahison et d'une très grande déception qui est déjà lisible à l'intérieur des combats nationaux, à l'exception du cas tunisien qui est très très particulier. Par ailleurs, dans d'autres régions, alors évidemment, en Égypte, on peut dire qu'il y a eu un temps, il y a une sorte de temps éphémère de femmes qui s'émancipent, qui sont très visibles dans les chansons, dans la musique, dans le cinéma égyptien, etc., mais qui reste très très limité à une bourgeoisie privilégiée urbaine et qui est très peu étendue dans l'ensemble de la société. Même si on peut dire que de manière structurelle, l'accès à l'éducation, le droit de vote, le contrôle de naissance, il y a beaucoup de choses qui ont quand même structurellement progressé. Mais la question de la place des femmes et de leur rôle à l'intérieur des sociétés a eu tendance à patiner, voire à régresser à partir des années 80, oui. Quel a été le rôle, ce sera ma dernière question, Leïla Dakli, le rôle des Arabes chrétiens ou des Arabes chrétiennes dans cette évolution sur le long terme ou sur le moyen terme. On voit des Libanaises, par exemple, qui ont joué un rôle important. Dans un premier temps, on peut difficilement distinguer ou différencier les femmes chrétiennes des femmes musulmanes dans leur contribution, disons, au féminisme arabe. La différence que je peux observer, c'est dans la capacité d'un certain nombre de chrétiennes, et en particulier effectivement de chrétiennes du Proche-Orient, d'être plus mobiles que d'autres et de participer de diaspora, alors en Amérique du Sud comme du Nord ou en Europe, et à naviguer entre des espaces, ce qui leur donne naturellement, disons, une plus grande liberté. Donc il y a des figures comme Maïziyed, par exemple, qui ont incarné cette liberté-là. Par la suite, elles sont dans le mouvement, disons, d'émancipation nationale féministe, solidaires de leurs camarades musulmanes, et elles sont de manière égale distribuée entre les différents mouvements, les différents partis, hein, dans les années 50-60. Aujourd'hui, avec un certain nombre de crispations autour de l'islam et de la manière dont l'islam et les droits des femmes se sont trouvés complètement attachés l'un à l'autre, là, elles retrouvent cette forme de mobilité, mais d'une autre manière, disons, puisqu'elles arrivent plus que d'autres à se déprendre de cette nasse qui est devenue le lien entre islam et émancipation féminine. Merci beaucoup. Nous permettez une fois de plus de dire, c'est presque un tic chez les historiens, de dire à nos lecteurs et nos auditeurs que sous la lumière du temps qui passe, les choses sont probablement plus compliquées qu'ils ne le croyaient. Toujours. Et Leïla Dakli, vous avez publié, c'est un petit livre mais très dense, qui s'appelle « L'histoire du Proche-Orient contemporain » aux éditions de La Découverte 2015. Après tous vos travaux spécifiques, vous avez été contente de faire une synthèse ? Oui, c'est un exercice extrêmement difficile, mais je pense qu'il était nécessaire. Il vient de paraître en août dernier. Il aura, c'est mon vœu et c'est ma conviction, de nombreuses rééditions. Histoire du Proche-Orient contemporain. Votre thèse a été éditée sous le titre « Une génération d'intellectuels arabes ». Là, il y avait des garçons et des filles. Oh oui. Syrie, Liban, paru chez Cartala en 2009. Et puis un article que vous avez signé avec Stéphanie Latabdala, qui s'appelle « Des engagements féminins au Moyen-Orient, 20e-21e siècle », c'était notre sujet de ce matin, que vous avez publié dans la revue Le Mouvement Social en 2010. En fait, c'est un numéro spécial qui contient un certain nombre d'articles, en particulier d'ailleurs sur les sociabilités et les engagements via les sociabilités féminines dans le monde arabe. Mais c'est vous qui l'ouvrez. Un autre regard sur les espaces de l'engagement, mouvements et figures féminines dans le Moyen-Orient contemporain. Vous savez, mes chers auditeurs, que vous pourrez retrouver une bibliographie plus complète, même si celle-ci est déjà très riche, sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés, que vous pourrez écouter, réécouter et télécharger cette émission, longtemps après que beaucoup de choses ont évolué de la meilleure façon possible. On le souhaite. Samedi prochain, nous parlerons des avatars d'une gloire nationale, avatars au sens propre, c'est-à-dire les apparences successives. Et cette gloire nationale, ce sera Jean-Baptiste Poquelin. Vous avez reconnu Molière, et je recevrai pour cela, avec bonheur, Martial Poisson. C'était Concordance des temps, en public depuis l'Institut du Monde Arabe, à l'intérieur des rendez-vous de l'histoire organisée dans cette maison. Une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec Jeanne Guérou aussi, et une émission réalisée par Patrick Molinier, avec à la prise de son Alexandre Abergel, Gilles Manet et Yvan Charbit, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Aude Vassan. Et dans quelques instants, je vais passer le relais, le témoin, à Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.